Quand j'étais petit, je rêvais d'être flic. Jusqu'ici, l'aveuglement me berçait. Pour moi, être flic, c'était Starsky Hutch. Et dans la ville, me lancer. Douche froide, lorsque j'ai réalisé le rôle du Guy, j'ai fait l'amour comme le faisait si bien Small Biggie. Mon frère, lui, voulait être médecin. Il a fini pro black, maltraitant les blancs, ironie du destin. Autant te dire que nos vies ont vite foiré. Encore aujourd'hui, je me demande à quand ça a réellement foiré. Pour moi, on était des enfants comme tout le monde, avec notre part de misère, comme pour rappeler qu'on est du tiers-monde. La haine, on l'a eu, mais c'est elle qui nous a percés. Ironie du sort, c'était moins une pour que la mort vienne nous bercer. On a quitté l'enfer, son odeur, ses cris et ses flammes. Fuis le vide qui nous conduisait au drame. Dans notre parcours, on a connu l'odeur du sang. On a connu l'odeur du sang, on a quitté l'enfer, son odeur, ses cris et ses flammes. Fuis le vide qui nous conduisait au drame. Dans notre parcours, on a connu l'odeur du sang. On a connu l'odeur du sang. De toutes les histoires, je tiendrai celle d'un homme percé. Quand je dis honte, je me sens petit, car c'est Dieu au milieu des hommes. Une foule immense, baignant dans le sang de la paix. Un peuple en furie, méritant tranchant de l'épée. Quand j'y pense, que meurent les jours où j'ai perpétré le sacrifice du Dieu vivant. Halloween sur stem, peu importe les rimes, peu importe la forme, que seulement batte mon cœur à l'écoute de ta voix. Flashback, plus de 1000 ans en arrière. Retour dans le temps, c'est bien le temps qu'on se rende compte de la croix. L'étendard dressé au-dessus du monde, avant son tour, qu'on soit sur la même longueur d'onde. On a quitté l'enfer, son odeur, ses cris et ses flammes. Fuis le vide qui nous conduisait au drame. Dans notre parcours, on a connu l'odeur du sang. On a connu l'odeur du sang, on a quitté l'enfer, son odeur, ses cris et ses flammes. Fuis le vide qui nous conduisait au drame. Dans notre parcours, on a connu l'odeur du sang. On a connu l'odeur du sang.